Daniel, je sais pourquoi, chapitre 13, rencontre et tentation avec Octa. Rapidement, nous stoppâmes avec rigidité. En réalité, ce voyage n'avait duré que quelques secondes. Je sais que ce laps de temps n'était en fait que l'inertie de mon sens de réflexion et d'analyse. La spontanéité est d'ordre dans le monde spirituel. C'est notre propre raison, alourdie par son manque de connaissances, qui détermine la forme de nos perceptions des choses. Quoi qu'il en soit, nous nous retrouvâmes au beau milieu d'une magnifique forêt verdoyante et touffue où le jour avait du mal à percer. Au sol, la végétation était anarchique. J'en déduisis que l'homme n'y avait pas encore mis les pieds. Mon guide me dit soudain « Daniel, nous sommes dans une forêt française. Ce lieu n'est pas issu d'un choix particulier, ni d'un calcul astronomique ou relatif à une démarche initiatique. » Non, nous sommes en France, car notre croisement spirituel se fait ici. Mais la forme physique pourrait changer sans que notre rendez-vous spirituel n'en soit bouleversé. Je comprenais mon guide, et je crois bien que la France était en fait directement déterminée par ma sympathie à son égard et mes tendances, qui, depuis le début, agencent les contours de mes investigations. Mon guide et les autres esprits supérieurs n'étaient pas, quant à eux, jaloux d'un endroit particulier. Ils considèrent la Terre comme un tout indivisible, ne s'agissant que d'une humanité comprise au-delà de la géographie, qui, vue d'ici, il est vrai, ne représente plus grand-chose. Malgré mes considérations, la forêt qui m'entourait ne s'estompait pas et sa couleur gardait son éclat. Je percevais aussi ses feuillages s'agitant lentement au gré d'une légère brise. Tout à coup, mon regard, ou plus exactement mon mental, fut attiré par une boule lumineuse qui semblait caresser la cime des arbres. On aurait pu croire que le soleil lui-même s'était mis à parcourir la sphère céleste. La boule finit par stationner juste au-dessus de nous, perpendiculaire à la forêt. Elle amorça une descente. Aussitôt après avoir pénétré la forêt, cette boule se divisa en 8 autres plus petites. Celles-ci se mirent en formation circulaire juste au-dessus de nos têtes. Mon guide, heureux, souriait tout en changeant de couleur. Il devint brillant, éclatant, puis transparent. Quant à moi, je restais moi-même, déçu de ne pas ressentir les mêmes choses. J'étais plutôt surpris que contemplatif. Mon guide me dit « Daniel, tu es en présence du groupe Octa. Tu vas maintenant les comprendre en communiquant avec eux. » Mon guide prononça ces mots avec une grande joie. Je sentais bien qu'il jubilait. Il était en état de grâce. Moi, je restais hébété par un groupe d'esprits étrangers qui inspirait le plus profond respect à mon guide. Tout à coup, les 8 sphères s'étirèrent verticalement vers le sol pour se transformer en silhouettes humaines de stature étonnante. Je ne remarquais ni bras, ni jambes. Leur tête était séparée du reste du corps par un léger pincement faisant office de cou. Leur visage était incertain, j'éprouvais de la peine à y percevoir des yeux, mais je ressentais une multitude de regards sur moi. Oh, quelle sensation étrange ! Je me sentais jugée ! Mon guide, radieux, restait là, agité par de profonds frissons. Je pense en fait qu'il communiquait avec eux. Continuant mon investigation, j'essayais de capter leur conscience. Mais rien, aucune information ne m'arrivait. Ces esprits demeuraient immobiles. Soudain, une voix grave claqua dans mon for intérieur. « Daniel, disait-elle, tu as été choisi parmi des milliers d'autres pour servir une noble cause. » Ton épreuve, au demeurant salutaire pour toi, servira d'enseignement par le biais du témoignage. Ton expérience n'est cependant pas supérieure à l'ensemble des esprits de ton niveau d'évolution, mais c'est ton cœur qui est un puissant levier de conviction. Ce qui restera de tout ceci ne sera pas que la somme de tes propres visions de notre monde, mais l'élan sincère et fraternel que tu manifesteras à travers ta manifestation sur terre. Puis, ton âme est disponible pour autrui, ce qui reste primordial. Daniel, tu t'efforceras de rester toi-même dans un paysage sans limite et de partager ta vie, tes émotions, avec l'engouement qui te caractérise, avec cette volonté qui, nous le savons, garantira ta réussite et te permettra ainsi de pardonner en surpassant ta propre raison. Notre groupe est constitué de messagers, chacun responsable d'un secteur d'étude. Notre travail consistera à créer sur Terre un foyer de manifestation au milieu d'un amalgame de lourdes vibrations. Cette action nous sera rendue possible grâce à l'action planificatrice d'un guide nommé Jean, qui travaille d'arrache-pied dans l'éducation médiumnique de son intermédiaire que tu finiras par médiumniser. L'élan que nous produirons sur Terre n'aura rien de particulier. Il fera partie d'un ensemble prompt à éclairer le XXIe siècle. Il faut dès à présent, Daniel, comprendre puis accepter la gravité de ton mandat. Bien que ces esprits ne venaient que confirmer ce qu'auparavant mon guide m'annonçait, leur discours, leur seule présence avait quelque chose de nouveau pour moi, d'étrange même. Les pensées qu'ils émettaient s'enfonçaient profondément en moi. Devant l'évidence de ce qu'ils professaient et la conviction qu'ils employaient, je m'attendais, ingénue, à ce que tout allait sur le champ arriver. Oui, j'étais sur ma faim, attendant que le ciel s'ouvre pour m'aspirer et m'enlever de cette forêt, afin de me retrouver devant les femmes et les hommes que l'on me promettait. Mais rien, et je restais penaud. Le discours de ces esprits avait créé un vide en moi. J'étais confiant, comme protégé par la puissance que dégageait leur stature au reflet d'acier. Je crois même qu'ils devaient en savoir plus que mon propre guide. Les huit esprits demeuraient immobiles, inquiétants. L'enseignement qu'ils venaient à peine de terminer n'avait pas le moins affecté leur apparence. À croire que leur aspect n'était qu'une projection, une sorte d'image pensée vide de tout esprit, un canal intermédiaire. Mais rien n'était aussi sûr. Soudain, ces visiteurs se transformèrent à nouveau en huit boules, prenant le sens inverse de leur apparition, rejoignant cette sphère scintillante pour ensuite s'évanouir dans le ciel. Cette séparation fut brutale et je me retrouvai comme réveillée dans un magnifique rêve. J'étais peinée, bien que leur message soit positif et que rien ne puisse prédisposer à l'exacerbation. Mais l'impression qu'ils laissaient en moi m'oppressait. Mon guide, resté en arrière, s'avança et me dit « Daniel, ne sois pas inquiet. La visite du groupe Octa t'a-t-elle affolé à ce point ?»« Non, mais je n'en ai pas eu assez. J'aurais voulu avoir beaucoup plus d'informations. Puis, je pensais que mon travail allait commencer. Je vous l'avoue, je m'attendais à visiter mes assesseurs, mon médium. Tout ceci a excité mon impatience. J'aimerais y aller maintenant. » Mon guide, toujours aussi patient, me dit « Daniel, l'impatience n'a pas de fondement dans ce monde, car le temps n'existe pas. » Tu viens d'être captivé par l'élan de ces esprits, ce qui bientôt t'ouvrira la porte du contact. Le besoin qu'ils ont suscité en toi fait partie de leur objectif. Mais ne te méprends pas, car si tu as voulu survoler ton futur, Octa ne te suivra pas dans ce sens et c'est plus tard, si l'on peut dire, que tu le rejoindras. Oui, dis-je, mais ce futur existe, là, dans mon présent. Ne serait-il pas possible de le vivre sans attendre? Pourquoi m'avoir laissé venir jusqu'ici, si je ne peux accomplir ce qui m'y attend? Mon guide répondit. Mais, Daniel, personne ne t'empêche de le vivre, si ce n'est ton propre esprit qui ne peut le concevoir. Interroge-toi et essaie de savoir d'où provient cette retenue. Tu t'apercevras qu'elle t'appartient. Tu es effectivement dans l'astral de ton épreuve, au seuil de ta visite terrestre, mais tu es aussi dans le ciel de ton incarnation. Oublies-tu que celle-ci te montrera l'ouverture de ce qui présentement t'échappe? Elle te rapprochera de ce qu'aujourd'hui tu désires rencontrer. Oui, dis-je, un peu agacé. Oui, mais quand? Car je dois retourner dans mon passé pour ensuite naître, mourir et revenir ici, ce qui est tout de même désemparant, sachant que je suis tout proche de l'aboutissement. « Oh, Daniel, il n'existe pas d'aboutissement, ni même de véritable commencement. Comment peux-tu encore te laisser aller à ces vieux réflexes matérialistes? La vie qu'aujourd'hui tu découvres est ordonnée par un ensemble incommensurable de faits dont l'incarnation fait partie. Tu ne peux concevoir l'ensemble sans accepter tous ces éléments. L'unité ne te demande pas l'abolition ou la soustraction, mais la conjugaison. L'ensemble éternel est harmonie. Celle-ci n'est utile dans son fondement que parce qu'elle unit la multiplicité. » Mon guide faisait des efforts pour m'apaiser. Je savais qu'au fond, il avait raison, reconnaissant que mon empressement était dû à mes prétentions et au voyage dans mon futur. Oui, car j'allais être un jour un messager, un donateur. Oh, cette optique grossissait mon ego, il fallait que je sois vigilant. C'est alors que plusieurs esprits m'apparurent. « Salut, Daniel, » me dit l'un d'entre eux. « Bonjour, » répondis-je, étonné de voir surgir ici d'autres esprits. « Qui sont-ils ? » demandai-je à mon guide. Ce dernier me répondit. « Tu es visité par tes envies. Nous savons ce que tu veux, Daniel. Tu désires rencontrer les incarnés qui te serviront. Viens, nous t'y emmenons. » Mon guide, quant à lui, me souriait en lançant un regard inquiet. « Alors, me dirent les esprits étrangers, tu viens ou tu décides d'en rester là et de repartir d'où tu es venu? Tout est si proche, mais ce sont les guides qui veulent appliquer leur volonté. » Après ces mots, les esprits s'éloignèrent. À peine avaient-ils parcouru quelques mètres qu'ils se retournèrent vers moi et me dirent « Vois-tu, Daniel, nous ne t'obligeons en rien, tu décideras seul de ce que tu veux faire. Mais à ta place, je n'hésiterai pas. Être venu jusqu'ici et ne pas toucher du doigt le but de ton élan, je trouve cela bien dommage. Puis, il faut le reconnaître, tu es méritant, tu as fait beaucoup d'efforts que peu peuvent fournir. Tu es sorti d'un état dépressif obsessionnel pour devenir un esprit équilibré avec une facilité au voyage déconcertante. Crois-nous, nous t'envions et tu pourrais ainsi nous faire partager tes connaissances, ton sens de la synthèse. Il y a parmi nous beaucoup d'esprits qui te respectent énormément. Nous avons pour la plupart suivi ton épreuve et tes études. Nous sommes intéressés, captivés. Un esprit comme toi donnerait du ressort à notre communauté. Ne crois-tu pas qu'il est grand temps que tu quittes tes maîtres pour devenir à ton tour l'éclaireur des âmes perdues ? J'étais troublée par tant d'affirmations et de reconnaissances. Je pensais même qu'il existait une certaine vérité dans ces propos. À bien y réfléchir, je trouvais ces esprits sympathiques. Mon guide restait figé, comme oppressé, sans aucun mouvement. Je crois qu'il se méfiait. Je m'approchai de lui et lui demandai « Qu'en pensez-vous ? Ne croyez-vous pas que leurs réclamations sont justes ?» D'un large sourire, à ceci, il répondit « Cela pourrait être vrai, si seulement en leur cœur ils étaient sincères. Vois-tu, Daniel, vouloir est un terme imparfait, car l'on reçoit toujours ce qui est bon pour nous, et ceci sans l'acte du désir ou du calcul. Mais l'on veut souvent ce qui n'est pas bon pour soi. » Mon guide paraissait faire preuve de mauvaise volonté. J'éprouvais de la peine tout à coup. D'un côté, des esprits prêts à la pénitence, demandant de l'aide en me suppliant de me joindre à eux. De l'autre, un esprit supérieur, difficile et méfiant sur les petites gens. Je décidai donc sans détour de les suivre. Mon guide me dit « Daniel, tu perds ton temps !» Sans tarder, je lui répondis « Mais mon guide, c'est tout de même vous qui m'avez enseigné que le temps n'existait pas. Comment voulez-vous que je le perde ?» Je savais au fond de moi-même jouer sur les mots et être de mauvaise foi, car mon guide voulait me prévenir d'un fait. Mais un certain contentement m'envahit. Oh, j'aimais mon guide, mais là, je ne comprenais pas sa conduite et son entêtement. L'ordre, toujours l'ordre, dans un paysage qui n'en possède pas. Les esprits, observant mon indécision, se laissaient aller à un sourire approbateur. Je finis par devenir leur compagnon. Sans attendre, nous nous mîmes en route. Mon guide, resté en arrière, disparut doucement, le regard dirigé vers le ciel. « Où nous dirigeons-nous » demandai-je. « Nous allons visiter l'astral à partir duquel tu te communiqueras aux hommes. » Oh, j'étais excitée. Je rassemblais mon savoir, mes acquis. Il fallait faire bonne impression. Oui, j'étais à la porte de mon travail rénovateur. Soudain, à l'horizon, apparut un large et sombre nuage grossissant au rythme de notre déplacement. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je. Les esprits me répondirent. « Voici la région qui t'acclame, celle que tu éclaireras de tes discours. Il faut que tu l'aides à se dégager. » Le profil de mon travail se dessinait. Les choses devenaient sérieuses. Bientôt, le nuage gris recouvrit toute ma vision. En y pénétrant, j'entendis des lamentations qui me glacèrent le sang. La lumière diminua. « Oh ! » dis-je, « c'est un endroit lugubre !»« Non ! Pourquoi ce jugement classifiant et intolérant ? Il ne faut pas s'arrêter sur les formes que prennent les choses !» Manifestement, cet esprit avait raison. Surpassant mes appréhensions, je m'enfonçais dans la noirceur de l'endroit. L'étendue était impressionnante. Personne, je pense, n'aurait pu prétendre cela. De toutes parts circulait une foule innombrable d'esprits qui m'avaient tout l'air d'être perturbés. Le sol était incertain, sombre, indéfinissable. Un terrain qui réagissait à nos pas comme le ferait un être vivant. Bien que je savais au fond de moi que ma marche était facultative, je voyais mes jambes s'enfoncer dans la mobilité du sol. Des taches apparaissaient çà et là au contact de cette chose, venant ternir la blancheur immature de mon corps spirituel. Les esprits vivant dans ce gouffre étaient horribles, effrayés et hystériques. Leurs yeux étaient exorbités et leurs bouches géantes. Ils se pressaient, se croisant et s'entrechoquant, gênés par l'atmosphère sombre et vaporeuse. Une sorte de fumée opaque et nauséabonde envahissait l'endroit. Le bruit y était infernal. J'entendais comme des coups de canon. Chaque détonation me faisait sursauter. Il m'arrivait même de baisser la tête. Les esprits qui m'accompagnaient ne semblaient pas avoir peur ou être inquiets. Ils avançaient, droits, sans mouvement de tête. Ils étaient décidés. Je les trouvais bien étranges. Les déflagrations retentirent de plus belle. Subitement, de longues flammes crevèrent le sol, venant dangereusement nous effleurer. « Mais qu'est-ce que c'est ? » demandai-je. « Cela ressemble à une guerre !» L'un des esprits qui avançait à mes côtés me répondit. « Oui, en quelque sorte, c'est un conflit terrien, chose courante ici. Mais dis-moi, tu ne connais pas cela ? Ton guide ne t'a pas emmené étudier ce côté-là de l'existence ? Mais regarde donc, » dit-il énervé. M'attrapant énergiquement le bras, il m'attira brusquement jusqu'en enfer, au-dessous du brouillard. Il enfonça ses doigts dans mon énergie corporelle comme pour mieux m'obliger. « Mais regarde donc » hurla-t-il tout en me secouant. Je me trouvais dans une ambiance cauchemardesque. Oh mon Dieu, il y avait des centaines d'hommes et de femmes souffrant, gémissant, haletant. Rapidement, je déambulais au milieu d'une suite horrible de grimaces, de blessures, plongé dans une mer de sang. La peur régnait sans rémission ni espoir, pas d'horizon, pas de bleu, ni de lumière. Puis, des figures atroces, ensorcelées, venaient tour à tour se jeter sur moi, tel le papillon sur la chandelle, se heurtant incessamment jusqu'à l'épuisement. Je devenais sale, une odeur pestilentielle se dégageait de moi, je voulais partir. « Mais non !» criaient les esprits, « tu dois découvrir le monde qui t'attend !» Je subissais les abîmes de la maladie et de la décadence matérielle, regardant sans pudeur des pauvres gens laissés seuls et sans amour. Je vis également des individus aux sombres idées vendre la vie humaine à travers toutes sortes de vices et d'intérêts. Il y avait encore des centaines de véhicules, petits et gros, coloriant en noir ébène le gris déjà sombre de l'endroit. D'autres détails m'étaient difficiles à sonder, malmenés dans la tourmente. « Oh mon guide, où êtes-vous ? » Je priais, ballotté par ce mauvais esprit au gré de sa folie. « Non, non !» déblatérait ce fantôme, serrant mon bras à la limite de le sectionner. Nous visitâmes la déchéance de bon en bon, traversant murs et maisons aussi facilement que pour percer une toile d'araignée tendue devant nous. Au passage, mon corps spirituel était parsemé de morceaux d'une matière visqueuse et irritante. La blancheur que j'avais eu tant de mal à acquérir n'était plus. Ce périple me rappelait ma mort. Arrivé dans un espace, au bon milieu d'un cercle formé d'une foule innombrable, je me fis chahuter. Cette situation m'oppressait. De toutes parts, des slogans s'émancipaient. « Oui, notre sauveur, notre guide à tous !» Toutes ces entités s'arrachaient la gorge en déblatérant d'odieux propos, finissant ensuite par vomir des liquides épais doués de mouvement. Je pensais une fois de plus à mon guide, tel un dernier réflexe. Je restais crispé, piégé par ces monstres. Je voulais m'enfuir de ce mauvais rêve. Les esprits me fixaient tout en ricanant. L'un d'entre eux s'avança vers moi. Ce devait être un meneur. Il s'agissait de l'entité qui m'avait détourné de mon guide pour m'attirer ici. Je le savais intelligent. Je m'en méfiais malgré l'évidence que la menace n'avait pas de réel pouvoir dans l'au-delà. Pourtant, l'allure de cet esprit avait quelque chose d'inquiétant, de sournois. Il s'arrêta devant moi à quelques centimètres. À la différence d'autres individus beaucoup plus sympathiques que j'avais pu connaître auparavant, celui-ci ne flottait pas au-dessus du sol. Tout au contraire, il y était solidaire. Il n'avait pas de pieds, mais deux jambes épaisses qui commençaient aux chevilles. Il n'avait manifestement rien d'aérien. Une sensation d'étouffement se dégageait de lui. Son visage demeurait incertain, ses traits même étaient flous, tremblants, comme si on le regardait sur la surface d'une eau agitée. Une situation difficile qui me rappelait les conflits que je vivais antérieurement avec ma mère. Je voyais à peine ses yeux, mais distinguais en revanche nettement sa bouche et ses oreilles particulièrement matérialisées. Soudain, il me dit « Daniel, tu dois leur parler, les emmener vers d'autres lieux. Apprends-nous à voyager vers d'autres consciences. » je finissais par comprendre ce qu'ils attendaient de moi. En effet, confiné et enfermé dans cet astral terrestre de douleur, sans pouvoir jouir d'un nouveau malheur à engendrer, ne trouvant ici que du mal déjà consommé, ces esprits inconscients cherchaient d'autres endroits à pourrir. Pourquoi cet objectif imbécile et pour quel plaisir? Je ne le savais pas. M'approchant de plus près, je lui dis tout en le dévisageant. « Voyez-vous, je n'irai nulle part avec vous. Je ne crois pas en votre bonne foi et ne suis nullement impressionné par vos menaces. » Interloqué, l'esprit me fixa avec ses petits yeux troublés, deux points noirs, deux trous sans âme. Mon Dieu, quelle verve! Je m'épatais moi-même. Moi qui me disais perdu, j'étais en train de sermonner cet affreux esprit. Je m'apercevais que mes études antérieures portaient leurs fruits. Avec une telle rage et sans mesure, l'entité se déforma devant moi, m'éclaboussant le visage de ses déjections ectoplasmiques. Il se transforma en toutes sortes de choses répugnantes et s'écria « Ton âme est perdue, Daniel. Ne sois donc pas si sûr de toi, car c'est ta faiblesse qui t'a emmené ici. Ton manque de foi te tuera. » Brusquement, je lui répondis avec le sourire « Mais je suis déjà mort. Oh !» hurla l'esprit tout en se mettant à virevolter dans l'espace comme le ferait une baudruche remplie d'air jeté en l'air. Je me sentais fort, et aucune animosité ne venait ternir ma raison, et je sais aujourd'hui que c'est grâce à cette légèreté d'âme que je pus m'extirper de ce gouffre. En effet, à force de tenir tête à cette entité, sans rancune ni accusation, je sentis mon corps s'alléger. Les taches sombres sur mon enveloppe fluidique disparaissaient une à une. C'est ainsi que je me souvins des forces de la pensée. Je savais que tout ceci avait été engendré par mon orgueil et son contre-coup. Il n'existait donc qu'une seule manière d'y échapper, l'humilité. À peine avais-je compris mon erreur, que je me sentis aspiré vers le haut. J'eus tout juste le temps de voir les visages ahuris de ces esprits imparfaits me regardant m'envoler sans réagir. Leur monde de douleur disparut au rythme de mon ascension pour ne devenir qu'un point noir minuscule dans une blancheur envahissante. Enfin libéré, je me retrouvai seul sur une banquise spirituelle, souffrant et pleurnichant. Je me sentais perdu, n'essayant pas de visiter l'endroit ni même de bouger. J'étais assis, recroquevillé, cherchant à sécher mes larmes imaginaires. C'est dire à quel point étaient ancrés en moi les réflexes humains, car je n'avais plus de corps de chair, juste mon enveloppe fluidique qui réagissait sans peine à toutes sortes de stimuli. Soudain, je sentis une présence. Sans pour autant lever la tête, j'entendis une voix me dire « Daniel, te voilà encore peiné et désemparé. Tu es bien avancé. Toi qui désirais visiter ton futur, tu te retrouves déséquilibré dans ton passé. » Levant la tête, je reconnus mon guide. J'avais de la peine à le voir. Il me fallut quelque temps pour me réhabituer à son approche. Peu à peu, et à force de volonté, mon cher guide, mon véritable ami, me montra à nouveau sa gloire, son magnifique sourire. Oh, qu'il était beau! Comment avais-je pu douter de lui? Je me trouvais si petit. Cette affreuse récréation dans le quartier des déchaînés avait calmé mes ardeurs. Mon guide réagit à mes pensées. Daniel, il ne faut pas que la peur régisse tes décisions. Si aujourd'hui tu ne veux plus te laisser prendre par tes mauvaises passions, tu le devras à ta raison et à ton état de conscience plus qu'à la peur. Si celle-ci empêche l'esprit de commettre bien des bêtises, elle ne l'empêche pas de les désirer. Aussi faut-il comprendre le pourquoi de ce que tu viens de vivre. Nous t'avons laissé faire. Il fallait que tu découvres les différents sens du mot devoir. Tu dois reconnaître les esprits plus avec ton cœur qu'à travers l'écho de tes passions. Regarde donc autour de toi. Nous sommes dans ton passé. Qui vois-tu ? Rien, répondis-je, étonné. Oui, répondit mon guide, ton passé n'est plus encombré de tes mesures ni de tes souvenirs terrestres. Il est en ton cœur aussi immaculé que la neige, car tu as pardonné et évolué. Ceci ne veut pas dire que tu as perdu la somme de tes acquis, mais que ton cœur n'a plus besoin des formes pour évaluer une valeur spirituelle. Les réflexes terrestres qui obscurcissent encore un peu ta vie spirituelle ne sont plus assez puissants pour te faire courber le dos. Maintenant, seules tes futures épreuves te confineront dans le monde des formes, car ton cœur le dictera. Oui, pensais-je, j'étais pleinement d'accord avec mon guide. Était-ce par peur ou par raison? Je ne m'en souciais pas. Je lui demandais encore. Vous dites que nous sommes dans mon passé? Mais lequel? Celui de mon enfance ou bien celui dans lequel je dois trouver l'incarnation? Mon guide répondit. Daniel, tu ne peux être en dehors de ta place, là où tu te confonds en conjecture devant l'événement de la réincarnation. Regarde donc. » Les choses se mettaient à changer rapidement. Progressivement, une nouvelle atmosphère se plaçait autour de moi. L'activité régnante dégageait une forte énergie. Une vingtaine de personnes se pressaient à la tâche, évoluant dans une immense pièce entrecoupée par de multiples parois transparentes. Sur les espaces vitrés étaient collés toutes sortes de textes et de photographies. Mon guide restait à mes côtés, suivant ma visite. Moi, je flottais à quelques centimètres du sol, au bon milieu des allées, laissant mon attention se disperser en ce drôle d'endroit. Le sol était recouvert d'un tissu presque rouge, parsemé de salissures et autres traces de pas. Devant mon interrogation, mon guide me dit « Tu te trouves dans la rédaction d'un magazine. » « Oh ! M'exclamai-je, la presse est une bien belle entreprise, mais fait-elle partie de mon passé ou de mon futur ?»« C'est ta place, l'instant de ta conscience, le présent, » répondit mon guide. Tous ces gens assidus étaient noyés dans un nuage de fumée mal évacué. Le tabac empoisonnait les locaux, malgré quelques petits aérateurs tournant à plein régime. Il y avait néanmoins plusieurs plantes, réflexe de l'homme pour prétendre rendre l'endroit plus humain ou plus nature. Les trois quarts des personnes étaient assis devant des ordinateurs, des machines à écrire et autres outils de rédaction. Mon guide prit le temps de m'expliquer le fonctionnement de chaque appareil, attachant de l'importance au symbole que suscitaient ces machines, du moins pour lui. Autant de femmes et d'hommes concentrés, sérieux, bien que quelques individus secouaient l'ambiance feutrée de la rédaction par d'amicales bousculades. Soudain, mon guide s'éloigna rapidement de moi en se dirigeant vers une femme. Après quelques secondes, il revint à mes côtés et me dit « Daniel, viens par ici, je veux te montrer quelque chose. » Intriguée, je le suivis jusqu'au bureau en question. Il y avait une personne élégante avec une chevelure abondante et un maquillage soutenu. « Elle est jolie, » dis-je tout en regardant ses ongles longs qu'elle agitait avec dextérité sur toute la longueur du clavier de sa machine. « Regarde l'écran de cet appareil, dirige-y ta pensée et dis-moi ce que tu y vois. » Je perçus tout d'abord l'intérieur de la machine avec tous ses composants. Puis, je vis une sorte d'énergie se dégager de l'ensemble, un rayonnement. Une matière qui ne m'était pas étrangère, l'ayant déjà vue antérieurement, mais sans vraiment m'y intéresser. Je demandai à mon guide des explications. C'est une onde électromagnétique émise par la machine. « Oh ! » dis-je, quelque peu médusé. « Et que dois-je apprendre de cela ?» Mon guide répondit. « Essaye de l'attirer à toi. » À peine pensais-je à le faire que les émissions électromagnétiques vinrent se coller à moi. Surpris par le phénomène, je m'éloignai en disant « Oh, quel éclair !» Mon guide m'expliqua « Cette énergie se rapproche de notre nature fluidique. C'est une matière que nous pouvons encore moduler. Nous utilisons cette énergie pour certains travaux. Incarné ou désincarné, l'esprit est capable d'agir directement sur les masses magnétiques de la matière. » Une partie de notre fluide en est issue. Chaque élément constitutif de la matière émet une énergie que nous contrôlons sans intermédiaire et souvent à l'insu des imparfaits. Revenons à cet ordinateur. Je voudrais ici te montrer l'application de cette théorie. Essaye donc d'émettre un mot, une phrase, un sentiment à travers le champ électromagnétique de cette machine. Il faut que tu simplifies le plus que tu le pourras ton message, car rien n'aidera la clarté de ton émission. Bien que cette demande me surprenne de la part de mon guide, je m'exécutais. C'est alors que j'assistais à un spectacle fort amusant. En effet, l'action que j'exerçais sur l'ordinateur avait pour effet de créer des parasites transversaux sur l'écran, une sorte de barre crépitante très rapide. Autant dire que notre utilisatrice était inquiète. Elle chercha alors à comprendre le dérangement en farfouillant dans les prises électriques de son installation. Quelle ne fut pas sa stupeur lorsque, concentré, je réussis à faire passer des mots, puis son propre prénom que mon guide m'influait pour l'expérience. La jeune femme se leva de sa chaise et tourna la tête de gauche à droite, cherchant fébrilement qui pouvait ainsi lui faire cette plaisanterie. Continuant, je lui envoyai cette phrase. « La mort n'existe pas et les esprits se communiquent à toi. » Je me souviens encore de ce moment cocasse où toute la rédaction, la tête sous les tables et les mains dans les câbles, cherchait l'explication rationnelle de cette farce. Dans la bousculade, je m'aperçus néanmoins que plus la jeune femme s'éloignait de son appareil, moins mes messages passaient. Mon guide continua de m'instruire et me montra un homme, loin de la perturbation que je venais de créer. Je m'approchai de lui et essayai de reproduire le même effet sur son ordinateur, mais rien ne se produisit. Mon guide me dit alors « Tu trouveras beaucoup plus de difficultés à interférer sur les ondes électromagnétiques en présence de cet homme. »« Mais pourquoi ? Je pensais que seule la machine était en cause. » « Tu as manqué de sagacité dans notre expérience. Pourtant, tu as relevé un indice important, » dit mon guide. « Toute intention de communiquer avec le monde spirituel incarné, c'est-à-dire les humains, doit répondre à certaines exigences. Ainsi, nous nous manifestons aux hommes et aux femmes et non aux plantes ou aux animaux. Ce principe amène naturellement la question du choix et l'énergie fluidique de l'individu visé déterminera la réussite physique de l'échange. » Celui-ci n'est pas immuable et répond à des chimies fluidiques aléatoires. Tu ne pourras donc pas, du moins pour le moment, manier l'ordinateur avec cet homme. Oui, j'y étais. Nous venions ici, une fois de plus, de déterminer la médiumnité. Mon guide confirma mes pensées et rajouta : Daniel, tu viens de vivre une expérience que l'homme appelle TCI. Un des éléments annonciateurs de l'avènement de la réalité spirituelle et de l'application sociologique de son état. Soudain plus grave, il continua : L'homme que tu as en face de toi est ton futur père.